type, puis je te coupe. Mais passé par le vice, tu manques d'originalité. En tête de ta liste, bien sûr, c'est dans la merde que tu t'enlises. Car si très vite tu perds de l'altitude, ne cherche pas, c'est à cause du fruit de ton latitude. Seul j'en suis arrivé là, ne me demande rien, ne me conseille pas. J'ai pas envie de faire des affaires avec toi. Sur ta tête, je vois que le mot profit. Tout pourrait dire, en échec ma vie. Tu veux me prendre en charge, arrête, bon ça va. Mon père, ma mère, le font déjà. Laisse-moi la place pour que je puisse faire surface. Tu menaces, tu m'empêches, je prends replace. J'épuise au maximum toutes mes idées. Même si je sais que la lutte sera très dure, je fais confiance à toutes mes pensées si pures. Avec elles je m'efforce, je persévère pour combattre le fléau. Comme le matelot qui dirige son bateau, son navire, qui fait en sorte qu'il n'y ait aucune chance pour qu'il chavire. Je garderai le cap avec le mic pour te mettre l'attention, car je possède la mention. Très bonne tactique, tu risques de voir très rapidement le pic. Laisse-moi la place pour que je puisse faire surface. Tu me lasses, tu m'empêches de prendre place. Pour ne plus appréhender le futur, j'atteindrai l'objectif premier.